tous ceux qui avaient un petit peu des notions ou même pas. En tout cas, il a bien fallu au moins une fois entendre le mot pour s'intéresser à la chose. Alors, que dire sur la permaculture? Bien, moi, ce que j'en ai compris quelque part, c'est de faire avec la nature. La permaculture, faire avec la nature. Je sais que c'est fort réduit comme définition, mais si vous imaginez que ça fait plein d'années qu'on fait contre cette nature, eh bien, ça prend tout son sens de faire avec cette nature dans la simplicité. Rencontre ici de plusieurs stagiaires, ça part aussi du Canada, donc on vient du Canada, de France, du Portugal, pour venir écouter ces 10 jours, ce qu'il y a à dire sur la permaculture, ce qu'il y a à réfléchir. Alors, Donc, Josh, c'est ça ton prénom? c'est ça. Tu peux... Josh. Donc, Josh. Georges. Alors, la première fois que j'ai rencontré la permaculture, c'était vraiment par hasard. Il y a un groupe de musique que je connaissais, que depuis ce temps-là, la ferme où ils squattaient est devenue un centre de permaculture. C'est le groupe Crass. Alors, ça m'a un petit peu intéressé parce que c'était une personne qui donnait beaucoup de pensées dans leurs chansons et c'est grandement regardé comme un groupe très intellectuel. Alors, j'en ai pas pris beaucoup d'attention, mais en l'entendant de plus en plus souvent, j'ai décidé d'aller voir qu'est-ce que c'était. La permaculture. La permaculture, c'est ça. Alors, comment je suis venu en Belgique du Québec? C'est un petit peu par hasard. J'ai joint un site web appelé WOOF. C'est un acronyme anglophone pour Worldwide Opportunities on Organic Farms. Alors, justement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis joint. Ils ont donné l'information pour contacter. Et en faisant cela, j'ai une réponse de Fabienne, justement, qu'elle avait un projet en permaculture. Alors, je savais que je voulais pratiquer le français et quand elle m'a dit qu'elle avait une ferme de permaculture, j'ai décidé que c'était la ferme pour moi. J'ai pris l'avion, je suis ici maintenant durant le stage de permaculture. Je suis pas stagiaire, mais je suis volontaire, alors j'aide avec et j'apprends tout ce qu'ils apprennent. C'est quand même loin, hein, de chez toi. Oui, un océan. C'est pas le plus grand océan, alors ça va. Ouais. Mais oui, j'ai pris un avion pour y arriver. C'est pas très permaculture, mais c'est une bonne expérience. Et qu'est-ce que tu expliquais aussi que toi, t'achètes pas de nourriture, là. Tu avais expliqué Ah oui. tu peux un peu. Où j'habite, au centre-ville, c'est assez facile, en connaissant les bonnes places, pour trouver toute sa nourriture de récup. Justement, le principe derrière ça, c'est de ne pas contribuer au système qui est en train de polluer la planète et ravager toutes les ressources. C'est un petit peu le principe de permaculture, sauf en une démarche très urbaine. Je suis pas agriculteur, j'avais pas vu d'ortie avant arriver ici. Alors, c'est très différent, mais à la même fois, les mêmes éthiques de base, je dirais. Et encore, tu faisais quoi là-bas? Tu fais quoi en fait? T'es étudiant, tu fais quoi? Parce que c'est J'explique tout. un petit bout? Ok. Alors, présentement, je suis étudiant En quoi? En sciences. Je vais essayer de. Je fais l'application pour être ingénieur en système de production de nourriture avec un mineur en agriculture internationale. Avec ça, avec ce que je fais avec le woofing, avec ce que je connais du permaculture, je vais me joindre à Ingénieurs sans frontières, aller au tiers-monde, leur aider un petit peu. Et après ça, j'aimerais aller faire la même chose, mais justement en collectif. Alors, apporter mes connaissances et avec des stagiaires, aller au tiers-monde et leur aider en échange pour de la nourriture, pouvoir traverser le monde un petit peu, voir les autres, apprendre de leur culture et justement enrichir pour que durant la retraite, je peux revenir au Québec puis habiter dans la forêt. Ok, bah, tout a un lien alors. T'es pas ici comme Ouais. ça pour une lubie, quoi. C'est tout un lien. Ça fait partie d'un plan que j'en ai pensé pour un petit bout. Je pensais que je voulais être mathématicien. Et quand j'ai su que je voulais pas faire ça, j'ai pensé pour une longue durée de temps à ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que c'est comme ça. Alors j'ai commencé à planifier comment je vais me rendre à ce but en faisant ce que j'aime tout au long. Et alors je suis ici. L'année prochaine, je pense que je vais rester au Québec pour travailler sur une ferme et de là continuer avec mes études jusqu'à temps que je peux traverser le monde gratuitement. Ok. Et t'as quel âge toi, Josh? J'ai 20 ans. Ok. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois le futur? Je vois le futur, soit ça va rester plus ou moins le même. L'huile va être plus chère, alors moins de choses vont être basées sur l'huile, mais les relations d'humain en humain, humain avec la nature vont rester la même. C'est soit ça, je vois peut-être une hausse de technologie avec une hausse de conscience, et comme ça, ça va être un monde où justement on est dans la période d'adolescence qui essaie de tester les limites de ce que l'humanité peut accomplir. Et après ça, il va y avoir une période de maturité, justement un petit peu avec la permaculture. Sinon, je le vois comme complet chaos et on retourne comme chasseur-cueilleur parce qu'on réalise que c'est la seule façon d'habiter sur la planète sainement. Okay. Alors c'est un des trois. D'accord. Et dernière question, la poésie dans ton quotidien, c'est quoi? La poésie pour moi, c'est chaque fois que je prends le temps pour apprécier ce qu'il y a autour de moi. Beaucoup de fois, je vais passer à travers quelque chose sans réaliser la beauté, la complexité, le montant de lien que ça a avec la nature. Et il y a d'autres fois où je vais essayer de penser à toutes ces choses. Et la chose la plus simple peut devenir la chose la plus magnifique au monde pour les instants où on pense de ça comme ça. C'est joli. Je te souhaite... Merci beaucoup. Bon chemin dans tes projets et tout ça. Merci. Comment est-ce que tu as rencontré pour la première fois le mot permaculture? C'était sur Internet. Je cherchais après une formation plutôt sur l'agriculture et sur le jardinage en termes d'autonomie alimentaire. Et je suis tombé sur le mot permaculture et puis voilà, c'est il y a un mois de ça, deux. Mais t'as entendu parler du mot permaculture pour aller le voir? C'est du pur hasard. Pur hasard. Allez. Par Internet, quoi. Ouais, ouais. Mais donc, j'en suis arrivé à pouvoir chercher ce mot autonomie alimentaire parce que on est sur un projet d'habitat groupé, justement, et dans mon idée, c'était justement pouvoir arriver à vivre en plus de conscience, peut-être, et donc de savoir ce qu'on bouffe, savoir ce qu'on bouffe, oui, c'est ça, pouvoir peut-être ressentir la faim aussi parce que justement il n'y a plus à bouffer et donc pouvoir vivre en plus grande conscience. Là, je ne comprends pas quand tu dis il n'y a plus à bouffer, c'est beaucoup moins, plus il n'y a plus. Plus, il y a moins, il n'y a plus rien à trouver à bouffer par exemple, tu vois, la disette, la famine. J'ai pas suivi, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Ce que je veux dire par là, c'est. Je me pose des questions, à savoir est-ce que c'est bien normal de pouvoir bouffer du poulet sans que tu saches qu'un poulet a des plumes, par exemple. Est-ce que c'est bien normal de manger n'importe quoi dans ton assiette, un truc que tu sais pas, que tu sais même pas que ça existe à la limite, ou tu sais pas comment c'est fait, ou tu es tout à fait déconnecté de ce que tu manges. Et en plus, il y a tellement une abondance de ce machin-là que tu sais même pas, t'as même jamais eu faim tellement tu ouvres le frigo, t'as toujours à manger. Et on vit dans cette opulence de manger. Et je me pose la question de savoir est-ce qu'on peut vivre une vie, est-ce que c'est vivre le fait de ne jamais avoir faim? Et donc je me suis dit, et en plus on est tout à fait inadapté à vivre sur cette terre, et on est de plus en plus inadapté parce qu'on perd de plus en plus de capacité à pouvoir produire sa nourriture, à pouvoir s'assumer en fait sur cette terre tout simplement. Et si tu ne sais pas t'assumer, ben, c'est pas grave, tu t'en vas et puis tu laisses la place à d'autres qui arrivent à s'assumer, hein, point, c'est tout. C'est une longue histoire, tout ça. Oui, c'est une longue histoire. Oui, c'est ce qui est, si je comprends bien, c'est comme si aussi l'époque qu'on vivait était assez formidable parce qu'on est occupé à se réveiller. Parce que ça ne fait pas depuis aujourd'hui qu'on s'est déconnecté. C'est tout un système qui s'est mis en place. Et donc aujourd'hui, mais ma question c'était ça, comment est-ce que c'est arrivé, comment ta conscientisation, tu vois, la permaculture, d'accord, mais est-ce que tu as été informé, est-ce que c'est arrivé un matin, tu t'es levé, tu as claqué la porte, tu vois? Oui. Donc l'événement qui me paraît le plus marquant, c'était mes frères et mes sœurs qui me disent « t'es vraiment égoïste avec les parents, tu les écoutes même pas, tu n'étais même pas là pour essayer de les aider ou d'être là, t'es un égoïste. » Et bon, je vivais avec ça un petit peu. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que c'était juste ce que je faisais. Et puis j'ai entendu à la radio un monsieur qui parlait de communication non violente, et donc de pouvoir justement s'écouter soi, et puis donner de l'empathie aux autres, enfin, je veux dire, mais avec la démarche d'abord de commencer par soi. Et je me suis dit, ben oui, ça, c'est, il mettait des mots, entre guillemets, sur ce que je ressentais ou sur ce que je vivais. Mm-hmm. Et donc, c'est via un peu la communication non violente que je suis arrivé à vraiment me mettre en démarche. Avant, je faisais un petit peu de... Enfin, je suis assistant social, donc je me posais aussi pas mal de questions. J'avais envie d'aller sauver le monde, faire de la coopération de développement pour aider les petits noirs à pouvoir mieux vivre. Mm-hmm. Et donc, et au fur et à mesure au fur et à mesure de mon processus, je me suis, plutôt que d'aller sauver le monde, je me suis dit, ben, il faut revenir à sa région, enfin, à son pays, à son hémisphère, et puis je me dis, ben, il faut revenir à soi, et puis on verra un peu. Et puis donc la communication non violente, et puis le principe de simplicité volontaire, c'est aussi quelque chose que je ressentais, mais qui était vécu aussi par mes parents en partie ou en de manière fort inconsciente, et je me dis, ben voilà, il y a des gens qui ont mis des mots là-dessus, et puis moi je les trouve un petit peu par hasard aussi, en rencontrant une personne, en parlant avec une autre, et en étant en démarche. Et donc effectivement, il y a toute une longue démarche qui fait que j'arrive à genre de... Aujourd'hui, à avoir cherché autonomie alimentaire sur Internet un jour, et puis d'avoir trouvé ce stage, et puis voilà. Okay. La deuxième question, c'est comment est-ce que tu vois le futur aujourd'hui? Alors, c'est vaste, hein. Quand je suis en forme, en pleine confiance, je le vois de manière dégagée. Et en même temps, quand je ne suis pas trop en forme, et en même temps, c'est ce qui me fait aussi un peu bouger, c'est... Je me dis, on va vers des guerres parce qu'il y aura moins d'eau peut-être potable, il y aura moins de surface cultivable, et donc on va sans doute un jour commencer à se bouffer au sens propre l'un à l'autre, parce que toi tu auras une maison bien isolée, mais moi je n'en aurai pas, et je voudrais quand même que je vienne chez toi pour pouvoir ne pas avoir froid ou pas avoir... voilà. Et si en plus si tu as possibilité de manger, ben enfin voilà, je crois que... Soit ce sera assez dégagé, et puis ce sera assez facile, ce sera assez coulant, ce qui doit arriver arrivera, et puis ou alors ce sera un peu peut-être le chaos, je sais pas, la souffrance, la mort. T'as des enfants? Oui. Tu fais comment avec des enfants comme ça? Ça doit pas être évident, enfin, non? Mais non, mais c'est pour ça que j'ai envie de me dire, vivons en confiance, et puis vivons maintenant, et puis après, demain, après-demain... On verra bien. On verra bien, oui. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de sauver le monde, parce que je me dis c'est trop complexe, et que je suis pas assez... je suis que moi, et puis c'est tout. Et donc mes enfants, ben, ils feront leur chemin aussi, et puis ce sera peut-être un petit chemin, un long chemin, où ça m'appartient pas, et puis voilà. Mais c'est dans l'idée de transmettre, quand on fait des enfants d'office, on transmet déjà d'une part la vie là, d'office, Et c'est vrai qu'on met ses enfants dans un monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais donc ça, c'est vrai que je me dis souvent, c'est peut-être pas forcément un cadeau que j'ai fait. Mais en même temps, je me dis, ben, c'est pas un cadeau que mes parents ont fait non plus. C'est peut-être pas un cadeau que les grands-parents de mes parents. Enfin, tu vois. Donc je me dis, ben voilà, s'ils sont arrivés, ils sont arrivés. C'est un peu de leur faute s'ils sont arrivés. et donc voilà, mais c'est un peu angoissant. Et en même temps, c'est pour ça aussi que je dis, ben, trois enfants, c'est plus que suffisant. Mmh. Et voilà. Mmh. Et la poésie dans ton quotidien, ça raconte quoi ? C'est quoi pour toi la poésie dans ton quotidien ? Moi, la poésie dans mon quotidien, c'est confiance en la vie. C'est pouvoir se surprendre d'un préjugé qui n'est pas qui ne se vérifie pas. C'est qu'est-ce quoi d'autre mais c'est rencontrer quelqu'un qu'on ne pensait pas rencontrer. C'est prendre un chemin qu'on pensait pas et puis pouvoir savoir où on est, savoir où on est passé, savoir la poésie aussi, c'est mais j'ai envie de parler de spiritualité aussi, je trouve, mais c'est contraste aussi, c'est contraste de la joie, de la tristesse, de la peur, de la confiance, de voilà, ça peut tous. Pour moi, c'est un peu ça, le dur, le mou, le... quoi d'autre ? Sans doute plein d'autres choses. Voilà, c'est parti. Costa. Oui, Graziella. Comment va ? Ça va. Comment est-ce que tu as rencontré pour la première fois le mot permaculture ? Ouf. Permaculture, il y a... laisse-moi réfléchir. Il y a... C'est quand... Je pense à Nature et Progrès. Plus ou moins, comment ça a changé ta vie. Ah, ça tu veux dire, ouais. Plutôt comme ça, quoi. Oui. Bah, c'est que, ça fait déjà un petit temps que je m'intéresse à la nourriture. Parce que j'en avais marre de chaque fois d'aller au magasin, au Deliz, tout ça, et toujours avoir les mêmes tomates, les mêmes trucs, tout ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser sur l'agriculture. Et puis, donc dans le jardinage et tout ça. Je suis tombé dans l'agriculture biologique parce que je me disais, les trucs chimiques et les trucs tout ça, bon, déjà depuis toujours, je rejetais ou je disais, on fait ça. Et c'est quand je suis tombé sur la permaculture, je me suis dit, enfin un système qui tient debout et qui va tout seul. C'est ça qui m'avait. Parce qu'au début, je me dis, non, c'est trop beau, c'est génial et tout. Finalement, c'est toujours quand je dis, j'ai toujours la simplicité, efficacité, quoi. Donc tout est là, tout est expliqué. Et ce n'est même pas rien que pour la nourriture, donc ça va encore plus loin sur le style de vie, sur la consommation, l'électricité, enfin tout. C'est ça qui m'a. Je me dis, waouh, purée. Et maintenant, avec les cours, ça fait le troisième jour, là. Et je me dis, il y a encore 8 jours, ça va être encore super intéressant. Donc c'est comme ça que j'ai. Quand j'ai entendu parler de la permaculture, parce que j'ai peut-être entendu parler par-ci par-là, comme ça, vaguement, ou c'est une technique de gna-gna-gna, mais c'était via, je crois que c'est aussi via le groupe de Nature et Progrès, parce que je fais partie de Nature et Progrès Bruxelles. C'est là que j'ai entendu, et puis Enfin voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Bah oui, c'est parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui se passent qui sont radicales, changement de vie, tu vois ce que je veux dire? Entre le système dans lequel on est et la permaculture, ben il y a quand même... Oui, un monde... Hein? Ouais, là. Non, ce qui se passe, c'est que on vit dans un système, alors bon, je suis à Bruxelles, en pleine ville, tout ça, donc j'essaie de vivre comme je le sens, c'est ça la chose importante, c'est comme je le sens, et on ne sait pas, allez hop, je vais prendre, allez je pars dans une ferme, je vais prendre 5 moutons, et, non, il faut être aussi réaliste, tu vois. Donc, pour le moment, je suis en train de me questionner et de me renseigner, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, pour le moment, je me dis, tiens, pourquoi pas, et ah ben oui, c'est possible, les moutons, quoi, en gros. Oui, je dis, c'est pas, ouais. Tu vois, c'est pas, mais je veux dire, moi, je me vois mal, hop, t'es comme ça, ouf, du jour au lendemain, un truc. Je pense que je me vois mieux m'intégrer dans un système qui tourne déjà, tu vois. Et là, peut-être, c'est maintenant, je peux peut-être changer dans... Là, je me vois mal, parce que je me suis toujours dit, maintenant, au boulot que je suis, je ne me vois pas encore dans 20 ans devant l'ordinateur avec des chiffres et tout ça. Peut-être, oui, devant l'ordinateur avec les chiffres, mais beaucoup moins que maintenant, tu vois. Donc, comment est-ce que tu vois ton futur aujourd'hui? C'est vrai que tu as déjà un peu donné quelques réponses, mais dans le sens... comment est-ce que tu vois le futur, quoi, quelque part? Comment est-ce que tu arrives à te projeter dedans avec la situation, comment on la vit aujourd'hui, avec la crise, etc. Général, tu veux dire. Allez, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours que ce soit très grave pour que les gens réagissent, et encore. Donc, je vois dans mon entourage et tout, c'est qu'ils voient qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, que ce soit alimentaire, médical, financier, tout ça. Et ils continuent dans ce système ou dans ces pensées. Et je me dis, c'est ça. Il y a de plus en plus un décalage entre ce que je pense et mon entourage. Voilà. Ouais, mais qu'est-ce que je disais, On parlait, la question que je te posais, c'était... Ouais, on voit le futur, ouais. Comment est-ce que tu vois le futur aujourd'hui? J'ai répondu ou pas, non, hein? T'as commencé une petite partie en parlant du système, et tu disais qu'en gros, les gens... Ils sont dans la merde, truc. Et puis... parce que c'est plus... Rapport avec toi, toi, ami, comment est-ce que tu vois ton futur? Est-ce que tu le vois... positif, négatif, t'arrives à te projeter, ou bien c'est l'instant présent, ou bien, comment ça te parle, ce que je dis? Faut y aller? Ouais. Ah, c'est bon, voilà. Donc, parce que toujours, on disait, quand j'étais gamin, on disait, ouais, l'an 2000, par exemple, on disait, ouais, il y aura ça, hein. Puis on est arrivé en l'an 2000, et puis maintenant, on se dit, ouais, il y aura ça, puis finalement, on se dit, il n'y a pas non plus de grands changements, ni pas de grands... de grands bouleversements, des petits trucs genre internet ou quoi, mais c'est plutôt l'exception. Donc ça crée quand même des grands bouleversements. Point de vue interconnexion, point de vue truc, mais c'est pas non plus comme on disait, une navette spatiale où on pourra se téléporter ou des trucs qu'on disait il y a 30 ans. Bientôt ça. Chaque chose à la fois. Je veux dire, le seul choc qui peut arriver, moi je pense, c'est le truc pétrolier. Parce que là ça va être... on sera dans le caca. Enfin, on sera dans le caca. Là, quand on ne pourra plus... que sera rationné et tout ça, les gens seront obligés, et le gouvernement, enfin tout le travail là, de changer, mais radicalement leur tout. Et comme le pétrole est le centre de tout, là, ça va faire des gros... Ce sera des gros bouleversements... dans le quotidien. Dans le quotidien, quoi. Point de vue climat, point de vue tout ça, moi, je vois mal, qu'il fera moins 20, ou tu vois, les trucs glaciaires, ou le contraire, ça va être là... Là, je trouve ça... on parle de réchauffement climatique et tout, mais moi, c'est... On, Allez, c'est ça, dans 100, 200, 2000 ans, tu vois. Donc moi, je pense que ces trucs seront beaucoup plus espacés, beaucoup plus moins violent et moins, comment on peut dire, ça, brut. Moins brut, voilà, que la fin du pétrole, hein, ou le début de la fin du pétrole. Parce que, tu te sens bien là-dedans, ça t'angoisse, le climat, la crise. Non, je pense qu'il y a toujours eu des crises, il y a toujours eu des catastrophes, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des... Et puis bon, maintenant les gens croient qu'il y a plus de problèmes et plus de trucs, mais c'est parce que les gens lisent plus, ou il y a plus de médias justement avec Internet, est-ce qu'il y a plus... Allez, il y a toujours eu des tornades, il y a toujours eu des avions qui s'écrasent, il y a toujours eu des... Ça, c'est pas que je suis... Il faut être réaliste, je veux dire, c'est pas... Moi, je pense que ça a toujours existé, mais bon, on n'en parle plus, je trouve, Donc voilà, donc il y a toujours eu des, enfin, c'est triste à dire, des guerres et des trucs comme ça. Si on voit maintenant, moi quand j'étais gamin, c'était... Waouh, c'est beau, là, je déconne. Un avion de guerre. Ouais, c'est ça, un avion de guerre. Mais je vois pas, enfin, je suis plutôt optimiste, je veux dire. Mais... Ah oui, point de vue bouffe et point de vue médecine, là, je pense que les gens vont de plus en plus malades. Déjà maintenant, on voit ça. Parce qu'ils disent, ouais, ben les gens, ils vivent mieux. Oui, mais je vois des gens maintenant qui ont 50, 60 ans, qui sont, allez, ou même des 45 ans, qui sont déjà malades. Je dis, merde, quoi. Même. Ouais. Mais ça, bon, c'est chacun. Point de vue maladie, point de vue ça. Là, je me pose des questions parce qu'on dit que la médecine a avancé, la médecine a fait ci, la médecine a fait ça et tout ça. Et moi, j'ai l'impression que maintenant, il y a de plus en plus, surtout avec aussi les enfants, quand on voit les allergies, les trucs. Quand j'étais gamin, quand il y avait quelqu'un qui était, enfin, quand un petit enfant qui était allergique ou qui était malade, c'était l'exception. Je veux dire, on était en zone malade et tout. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils disent que que c'est quand t'es pas malade que c'est toi la normale, quoi. Je dis, mais écoute, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malades. Maintenant, c'est à eux de voir pourquoi, tout ça. Mais je réagis à ce que tu dis, ce que t'as dit. On a toujours vu dans l'histoire des guerres, ça c'est vrai, mais paraît-il, c'est quand même la première fois dans l'histoire que c'est l'humain qui va à sa propre perte, quoi. Il paraît que c'est la première fois dans l'histoire que l'humain s'autodétruit, en fait. Ouais. Mais point de vue... Comment notre société est faite, tu veux dire? Oui, comment... là, on est rentré un peu dans une nouvelle civilisation, là, tu vois, on est un peu... Et que dans cette civilisation, les choses sont mises en place pour qu'on se déshumanise et pour que on va à notre propre perte, quoi. Enfin, voilà. Et la dernière question, c'était la poésie du quotidien. La poésie dans ton quotidien, c'est quoi? La poésie dans le quotidien, moi c'est plutôt... Tu peux dire qu'il n'y en a pas, hein. Moi je lance... Je dis, pour moi c'est vivre. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent plus, ils vivent dans le futur ou dans le passé, mais ils ne vivent plus, enfin, ils avancent pas. Et profiter de maintenant, enfin, de vivre, je ne sais pas si tu me comprends, mais les gens, il y a beaucoup de gens qui courent, ils pensent dans le futur, ils pensent, mais ils vivent pas, et ils mangent mal, ils sont stressés de je sais pas quoi. Ils courent après leur vie un peu, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que quand je dis aux gens, mais stop, arrêtez, enfin, je veux dire, restez chez vous, glandez, ou je sais pas moi, arrêtez ce truc de fou, quoi. Ce vite, tout de suite, je veux maintenant, je veux ça, je veux une maison, ok, puis je veux la véranda, et puis je veux puis je veux refaire le toit, et puis je veux puis finalement, mais wow, calmez-vous, quoi. Et bon, moi je suis un peu décalé par rapport à ce système, enfin à ce système que c'est vite, consommer, et là je me retrouve pas, c'est pour ça que je dis bon, moi je fais ma vie, puis chacun fait comme il veut, puis je dis, quelque chose à rajouter spontanément sur tout ça, de profiter du micro pour dire quelque chose qui te regarde ou pas. C'est super intéressant ce qu'on fait pour le moment. Au stage. Au stage, oui, oui, oui. Bien en permaculture. En permaculture, c'est vraiment super intéressant. Et c'est global, c'est vraiment... Je suis impressionné, on est qu'au troisième jour et je me dis, ben, on a déjà tout ça d'informations et de trucs. Et c'est vraiment bien. Merci. Justement, merci. Alors, tout d'abord, à propos de l'élément eau, j'ai amené un certain nombre de références de livres qui sont placés à vue sur le petit rebord du mur qui est là à l'intérieur. Donc pendant les temps de pause et pendant toute la journée, ils seront là à les feuilleter, à les prendre note des références. On peut même les laisser, je ne sais pas où est Fabienne, je peux les laisser jusqu'au bout du stage. La plupart font partie de la bibliothèque de Cali, que je ne vois pas maintenant. Cali qui est là, qui est venue avec moi. Et enfin donc voilà, en fait on peut les laisser à disposition pendant le stage. C'est peut-être encore mieux que vous ayez l'occasion de les feuilleter, de piocher ce qui vous intéresse. Alors, on va commencer un petit peu ici dehors et puis on va rentrer parce que j'ai quelques présentations d'IA à l'intérieur et puis un petit film à un moment donné, mais tout ça viendra à son tour. Mais donc, on ne va pas rester malheureusement extrêmement longtemps ici dehors. Alors, peut-être je vais juste me présenter avant de commencer. Donc, je suis Anne-Claire Dewey. Alors, mon contact avec l'agriculture a commencé très tôt parce que toute gamine, je passais tous mes étés dans des fermes. Pourtant, je suis bruxelloise de naissance et j'habite toujours Bruxelles, la grosse tare. Mais enfin, voilà, j'ai toujours été très attirée par les espaces ruraux et par la terre. Et ça s'est concrétisé par mes études. J'ai fait l'agro. Puis après ça, j'ai un peu voyagé. J'ai travaillé dans des fermes, notamment de distillation d'huile essentielle en Angleterre. Puis j'ai... Dans mes études d'agro, je me suis pas mal spécialisée dans le domaine de l'eau. J'ai fait la chimie pour arriver à la dépollution de l'eau. Et alors j'étais un peu travaillée en Espagne dans une société d'épuration d'eau en Andalousie. Et puis, j'ai été en Amérique du Sud, travaillé dans une exploitation agricole qui essayait de favoriser la mise en avant des ressources locales par rapport à toute la tendance générale en Amérique du Sud qui est d'essayer d'attraper les méthodes culturales occidentales mais qui sont désastreuses sur le plan de leur adaptation dans les pays du Sud évidemment et qui ruinent les petits agriculteurs de là-bas. Enfin bref, et puis bon, de fil en aiguille, j'ai rencontré Cali qui est assise avec vous et qui m'a un peu initiée à la permaculture. Que j'ai travaillé après elle dans une ferme pédagogique où elle avait installé un jardin en permaculture et donc ce jardin étrange aux formes rondes m'avait suscité pas mal de curiosité et donc voilà, grâce à elle j'ai un peu bouquiné, j'ai un peu creusé le sujet et puis les rencontres toujours qui permettent d'avancer dans ce sujet-là. Et alors j'ai travaillé avec des gens qui ont beaucoup installé des systèmes d'épuration d'eau par lagunage et par des systèmes plantés. Et donc pendant quelques années, j'ai été en contact vraiment avec le monde de l'épuration de l'eau par des méthodes douces. Alors c'est là qu'on se rend compte que tout ce qu'on a bien appris dans ces études est à casser vivement parce que c'est vraiment mettre à mal l'eau dans tout ce qu'elle a de beau. Donc voilà, une toute nouvelle approche par la permaculture qui s'est installée petit à petit. Et l'année passée, voilà, on était plusieurs avec Thomas à participer au premier stage en Belgique, celui-ci étant le deuxième. Donc voilà, ça fait très plaisir d'être de retour. Et actuellement, je travaille dans une commune bruxelloise pour coordonner le montage d'un agenda 21. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ce machin-là. Je pense que ce serait utile, en tout cas pour les gens qui peut-être un jour auraient l'occasion de participer à ce type de montage-là, que j'en touche un mot peut-être à la fin de la matinée sur ce que c'est qu'un agenda 21, parce que ça implique vraiment une chouette participation citoyenne. C'est de la démocratie participative, en tout cas c'est une tentation de revenir à ce genre de pratiques intéressantes pour monter des plans d'action pour le développement durable, grand terme très, très, très polémique. Oui. ça peut être un moment intéressant de voir cet outil-là, mais la matinée est déjà très chargée rien que sur le thème de l'eau, donc on verra. C'est dans quelle commune, par là ? À Uccle. Voilà. Et ton nom ? Anne-Claire Dewey. Alors, le thème de l'élément eau. Je voudrais juste, avant qu'on l'aborde, qu'on échange, enfin, qu'on, voilà, l'élément eau, ça suscite chez nous beaucoup de choses, en dehors de ses aspects chimiques et physiques. Voilà, je voudrais juste que librement, on se pose la question, tiens, qu'est-ce que l'eau évoque pour moi ? Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça représente, l'eau, pour nous ? Pour vous ? Une denrée rare. La vie. Une denrée rare. Heureusement qu'elle est là, je dirais. Sinon, je me sentirais pas bien, je crois. La fraîcheur. La vie. La vie, surtout. J'aime bien parce que je suis là comme ça, mais... en retard, quoi. Oui, tout à fait. Il y a de quoi ? Un fluide. Fluide. Des échanges. C'est un équilibre. Est-ce qu'elle n'a pas pour vous aussi des représentations plus d'ordre philosophique, spirituel ? C'est bien, je vois que vous êtes déjà très ancré dans le matériel, dans le concret. Donc, la mémoire. Oui. La mer. Bah, la vie, c'est pas très matériel quand même. Non, non, non, en effet, c'est surtout avec un grand V, c'est effectivement un sens très large. Mais voilà, c'est parce qu'effectivement, avec l'approche de l'eau, il y a moyen d'y percevoir et d'y aborder également une série d'approches plus philosophiques, plus spirituelles également. Hein. C'est à travers l'eau que se vivent une série de rites de purification liée au fait qu'elle est porteuse de vie, qu'elle nous relie à la maternité. C'est aussi un lieu de passage, hein, voilà, un certain nombre de traditions pour passer d'une vie à l'autre se font aussi avec la symbolique de l'eau. Et donc voilà, l'eau est chargée, qu'on le veuille ou non, que ce soit conscient ou inconscient, rejeté ou non, l'eau véhicule une série d'informations et voilà, un portage spirituel assez fort. Et donc d'entrée de jeu, je voulais juste dire oui, tout ça existe, mais en tout cas ce matin, on va s'attacher à l'eau en tant que ressource vitale et élément naturel à préserver, sachant qu'il y a encore un tas d'autres choses à percevoir et à approcher avec l'eau. Alors, comme fréquemment dans l'approche en permaculture, on va relier l'eau avec les autres éléments. Pour l'aborder dans la complexité de ces relations avec chacun des autres éléments, j'aimerais bien qu'ensemble on fasse un peu le tour de ces interactions, justement, c'est sportif. Par exemple, commençons entre l'eau et le feu. Qu'est-ce qui vous vient comme type d'interaction ? Vapeur. Entre l'eau et le feu, absolument, la vapeur. L'eau est un feu. Excusez-moi, mais je suis encore un peu essoufflé parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je ne peux pas vous dire laquelle j'ai traversée en courant. Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde sans raison. Alors à un moment, je courais au coude à coude comme ça avec un monsieur. Alors je lui dis, dites-moi pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous ? Il me dit, parce qu'ils le sont ! Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Il me dit, vous n'êtes pas au courant ? Je dis, si, des bruits ont couru. Il me dit, cours toujours. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous ? Il me dit, tout. Il y en a qui courent au plus pressé. D'autres qui courent après les honneurs. Celui-ci court pour la gloire. Celui-là court à sa perte. Et je lui dis, pourquoi court-il ses vies ? Il me dit, pour gagner du temps, comme le temps c'est de l'argent. Plus il court vite, plus ils en gagnent. Mais je dis, où court-il ? Il me dit, à la banque, le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, il n'y a pas toujours courant à en gagner d'autres. Je dis, et le reste du temps ? Il me dit, cours encore, il me dit, cours toujours. Mais je dis, où court-il ? Il me dit, cours faire leurs courses. Au marché. J'ai dit, mais pourquoi font-ils leur course en courant? Et je dis, je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Mais je dis, ils pourraient aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Il me dit, on voit bien que vous les connaissez pas. Il me dit, d'abord, le fou n'aime pas la marche. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il la rate. Je lui dis, mais vous là, où courez-vous? Il me dit, moi, je cours à la banque. Ah, je dis, pour y déposer votre argent? Il me dit, non, pour le retirer, moi, je suis pas fou. Je lui dis, mais alors, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, parce que j'y gagne un argent fou, c'est moi le banquier. Ça démarre. Ça démarre. Donc, comment, toi, tu as rencontré le mot permaculture pour la première fois? Je me souviens pas vraiment de la première fois, mais je pense que c'est en lisant le journal Le Passerelle Écho. Le Passerelle Écho, c'est une petite revue qui est publiée en France depuis une dizaine d'années, je pense. Et bon, je connais des gens qui lisaient cette revue, je l'ai lue et puis je me suis abonnée. Et il y a des articles régulièrement sur la permaculture. Mais j'ai lu ça comme ça, un petit peu en diagonale. Et puis j'ai une amie qui était dans mon AMAP à Paris. Et je faisais partie d'une AMAP à Paris et une amie qui est partie en Argentine. Et là, elle s'est intéressée à la permaculture. Et de là-bas, elle a essayé de trouver un lieu en France pour s'installer en faisant de la permaculture. Et elle a trouvé un lieu dans la Sarthe, dans la vallée du Loir. Et elle a acheté ce lieu. Et j'y suis allée en février. Et là, elle avait... En février 2009. 2009. Il n'y a pas longtemps, quoi. Non. En février, donc, elle avait essayé de contacter des gens qui faisaient la permaculture en France, essayer de voir ce qu'ils faisaient. Et puis, elle s'est dit qu'il y avait pas mal de gens qui ne se connaissaient pas. Donc, elle les a tous invités chez elle, une quinzaine de personnes. Et c'est là que j'ai rencontré Steve Reed et d'autres personnes qui font de la permaculture en France. Et c'est là que j'ai vraiment compris ce que c'était. Alors qu'avant, j'avais une vision, on va dire, plus théorique, enfin, écrite. C'est-à-dire, je lisais des articles, mais pour moi, c'était pas concret. Et là, il y a eu un soir, par exemple, il y a quelqu'un qui était là, qui avait fait un design du lieu où il habitait. Et il y a toutes les personnes qui étaient là qui sont intervenus pour faire des critiques, faire des commentaires, des suggestions sur la permaculture. Et là, j'ai compris ce que c'était. Et c'est concrètement. Quoi, en gros. Non, c'est trop compliqué, mais par exemple, moi, je sais que quand j'ai découvert la permaculture, je me suis dit, incroyable. Est-ce que ça a été aussi un choc ou pas? Ou tu trouvais ça logique? Tu comprends? C'est quand je pose la question, quand est-ce que tu as rencontré le mot permaculture, c'est aussi carrément une autre vision, quoi, ouais, du monde dans lequel on est. Est-ce que ça t'a bouleversé ou pas, ou, pour moi, c'est pas une autre vision, mais je me suis dit, c'est quelque chose, il faut que j'aille vers ça, parce que ça va m'aider dans ce que je suis en train de faire. Ça va me donner des outils, ça va m'aider à faire le pas qui consiste à partir, quitter la ville, et aller m'installer à la campagne. Donc... je me suis dit, c'est plutôt vers là que je dois aller, parce que ça correspond mieux à... plutôt que d'aller juste vers, on va dire, des lieux biologiques. Enfin, disons que c'est aussi une conception plus globale que juste d'être écolo et vivre... Enfin, je pense que ça correspond, ça va vraiment m'aider. Et il y a une cohérence dans tout ça. Mais quand je parle d'autre vision, je dis que c'est carrément une autre vision que le système capitaliste Ah oui, mais ça. Dans lequel on est. C'est, pour moi, c'est quelque chose qui est acquis depuis longtemps. Enfin, moi, je suis là-dedans depuis longtemps, dans la mouvance écologiste. Mais c'était plutôt une écologie politique, plutôt plus militante, quoi. Moins, plus, comme dirait Steve, plus réactif que actif. Ok. La deuxième question, alors. Rappelle-la-moi. Comment est-ce que tu vois ton futur aujourd'hui ? Mon futur, ben mon futur, je le vois que j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de quitter la ville et de partir vivre à la campagne. Mais je sais que ça va être difficile parce que je vis depuis longtemps à Paris. Il y a un certain confort et je veux aller vers une vie plus simple et ou avec beaucoup moins de besoins. Donc il faut aussi que je trouve une activité qui me permette un minimum de remplir le frigo. Mais je ne suis pas sûre d'avoir encore un frigo. Tant mieux alors. Ça va, c'est cohérent. Oui. Mais je pense que je peux me passer pas mal de choses, mais je pense que la difficulté, ça va être de se lancer comme ça, sans garde-fou, quoi. Parce que c'est vrai que quand on a une activité, quand on a un boulot salarié, avec un salaire qui tombe tous les mois, c'est assez confortable, même si on doit subir pas mal de stress pour gagner cet argent. Et par exemple, ouais. Tu allais dire Sinon, tu me parlais de la vision plus globale. Je suis pas très très optimiste par rapport au reste du monde. Enfin, mais je pense que les gens qui vont vers la permaculture ou vers un mode de vie plus simple, plus écologiste, c'est un peu des pionniers de ce vers quoi les gens seront obligés d'aller. Par la force des choses, vu que bientôt il n'y aura plus de pétrole. Et ça, je m'en suis bien rendu compte que j'étais déjà très en décalage par rapport à ça, puisque j'ai voyagé en vélo. Et là, on se rend compte que tout est fait pour la voiture. Et quand on est en vélo, on voyage comme ça, à la campagne, on voit que... Et c'est un petit peu là où j'aimerais bien trouver une solution, et je ne sais pas si la permaculture travaille beaucoup là-dessus, c'est l'usage de la voiture, quoi, à la campagne. Enfin, moi, je vis en ville, j'ai pas de voiture depuis des années. Mais je vois qu'à la campagne, quand tu y restes, c'est difficile de s'en passer. Donc voilà, je me pose aussi des questions par rapport à ça. Comment faire la transition pour ne plus avoir besoin de voiture J'imagine que si tu es à la campagne et que tu crées du réseau, du collectif là où tu te trouves, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'une voiture, mais oui, pas personnellement, quoi, mais d'avoir une voiture collective, ça peut être aussi intéressant. Ça. Bon, c'est vrai que moi, j'aimerais bien trouver un lieu, enfin, dans un lieu collectif, mais c'est pas évident que je trouve un collectif qui me corresponde, et peut-être que. Mais j'aimerais bien. Donc à ce moment-là, effectivement, j'envisage pas que chacun ait sa voiture. Ça me paraît assez aberrant. Et donc tu disais, en fait, parce que je décrochais, t'as pas une vision positive du futur, toi. C'est ça que tu disais ? Du futur de l'humanité, non, pas trop. Non, parce qu'on va... La majorité du monde va assez dans le mur. Mais bon... Il y a aussi des gens qui prônent la théorie des catastrophes en disant qu'il faut qu'il y ait une catastrophe pour que les gens changent. Mais quand on est assez écolo comme moi et qu'on voit comment les gens ne pensent pas plus loin que le bout de leur nez, quoi. Et qu'ils réfléchissent pas à ce qu'ils font et qui. Comme quoi, par exemple ? Dans le mode de consommation. Consommation un peu outrance, les déchets, je sais pas, quand je vois des gens dans ma famille qui jettent, qui achètent n'importe quoi, qui sont hyper emballés et puis qui jettent ça, ils jettent des kilos de déchets et puis faire du tri, ça les ennuie. En Belgique, le mouvement, ouais. Quelle ampleur il a du hackerspace? Je disais qu'il existait ici à Saint-Josse. Il y a plusieurs hackerspaces qui existent en Belgique. Donc celui de Bruxelles, en fait, c'est le premier qui a lancé les hostilités, on va dire. Le deuxième qui a été ouvert, c'était celui de Gand, le White Space. Le troisième, ça a été Void Warranties à Anvers. Donc ça, le mouvement a vite pris des ailes. Ensuite, il y a le Hackerspace, le Wolfplex à Charleroi. Et l'année passée, j'ai eu l'occasion de visiter le Hackerspace de Namur. Donc c'est le Incubaker. Il y a d'autres Hackerspaces qui sont ou bien en développement ou bien qui sont déjà ouverts. Je sais qu'il y a le Hackerspace à Asselt, mais ça, j'ai pas été. Il y a encore un Hackerspace du côté de Bastogne. Celui-là, j'ai pas encore l'occasion de le visiter. Il y a le Urlab aussi, à Bruxelles, qui est arrivé, mais qui dépend de l'ULB. Enfin, dépend... C'est un gros mot, on va dire, mais bon, ils ont les locaux en près de l'ULB. Bon, c'est beaucoup des étudiants. Donc, ils sont beaucoup centrés sur le cercle informatique de l'ULB. Tandis qu'ici, on est plus ouvert à tout le monde, pas juste des étudiants. Donc, on a des visiteurs de tout âge. À l'étranger, bon, j'ai pu visiter plusieurs hackerspaces aux Pays-Bas. Le Hack 42 notamment, où là, j'ai pu notamment donner un coup de main pour préparer les fibres optiques pour le camp Home 2013. C'est un genre de festival. En fait, c'est un festival en plein air, mais au lieu de donc camping et tout, mais au lieu d'avoir comme dans un festival de musique, de la scène avec des musiciens, ben non, là c'est des tentes avec des conférenciers et des gens qui amènent leurs ressources. Donc on se regroupe en village, donc c'est des groupes qui se connaissent, donc qui mettent en commun leurs ressources, qui construisent des choses. Et... donc ils construisent des choses... Et, parfois collabore avec le groupe voisin. Genre, on ne sait pas du tout où ce que ça commence. On sait où ce que ça commence, mais on ne sait pas du tout où ce que ça peut se terminer. Et en général, ça se termine de manière géniale. Un exemple concret, qu'on comprenne bien ce que tu dis, ou est-ce que ça reste un peu, du coup, un concept, mais... Ça reste, oui. Alors, l'année passée, pour le camp 2013, on a été ensemble avec donc, le Hackerspace de Bruxelles, Urlab, Void Warranties et White Space. Donc on était un groupe de personnes qui représentaient 4 hackerspaces. On avait une grande tente, donc vraiment un chapiteau de cirque, qu'on a réussi à avoir via. Parce que bon, là où on est très fort, c'est pour faire marcher les réseaux de connaissances. Donc on connaît quelqu'un qui a accès à telle ressource. Donc on entre en contact avec cette personne, enfin cette personne ou ce groupe de personnes, et donc on s'arrange pour avoir ces fameuses ressources, on met ça en commun, donc on a eu un chouette camp, et Void Warranties, ils ont eu l'idée géniale, franchement géniale, de venir avec des nains de jardin, mais pas n'importe quel nain de jardin, c'est des nains de jardin diaboliques. Donc l'idée, c'est de prendre vraiment le bête nain de jardin, à 5 euros qu'on trouve dans un supermarché. On ford des yeux dedans et on met des LED rouges qui clignotent. Donc c'était très marrant parce que tout le monde au camp adorait les nains de jardin. Ça foutait un peu la trouille. Et on a eu un groupe qu'on ne connaissait pas qui était vraiment intéressé par les nains de jardin. et il a demandé s'il pouvait en emprunter un pendant 2 jours. Bon, on s'est dit, ouais, donc il veut un trophée facile, parce que bon, ok, il a un jardin avec les yeux qui clignotent. Donc il a demandé s'il pouvait l'avoir prêté pendant 2 jours. Ok, bon, de toute façon, on avait une vingtaine, donc un de plus ou un de moins, ça ne changeait pas grand-chose. Donc il part avec le nain de jardin. 2 jours après, il revient avec. Et au lieu d'avoir les yeux qui clignotent en rouge, les yeux changent de couleur. Et il a fabriqué une basse où le nain de jardin pouvait bouger aussi. Donc c'est quelque chose qu'on... C'est une évolution sur le concept qu'on n'attendait pas du tout. Et ce qui est assez formidable, c'est que les visiteurs de ce camp jouaient le jeu à fond. Et emmenaient... C'est-à-dire que... OK, il y avait les nains de jardin. Et on avait fait un jeu comme ça. Où... donc, au milieu de la route. Enfin, la route dans le champ. On avait dessiné avec du ruban la trace d'un cadavre. Tout est bon enfant pour rigoler, hein, donc avec les nains de jardin, photo à l'appui. Et le dernier jour, on a planté des affiches partout avec ouais, nains de jardin recherchés qui se sont échappés. Et donc, celui qui ramène un nain de jardin à notre tente reçoit une bière. Une bière belge, parce que bon, c'est dans le nord des Pays-Bas quand même. Bon. Et les gens ont joué le jeu à fond, donc on a étalé 9 nains de jardin dans le camp. Le premier soir, il y en a 7 qui sont revenus. De nains de jardin ou bien des gens avec des nains de jardin? Des gens avec les nains de jardin, donc bien sûr, la bière. Le plus drôle, c'est que le 8e est revenu le lendemain matin, attaché avec du tape sur un tonneau de bière. Un tonneau de bière qui était fraîchement sorti du frigo. Il était encore frais. Et vraiment, le nain de jardin était un peu torturé, on va dire. Genre, ouais, comme si on l'avait un peu torturé. Comme si... Bon, c'est vrai que la torture, c'est mal, mais... Il y en a un qui a été assez... enfin, je ne sais pas si on peut dire malade. Mais il a vraiment joué le jeu du nain de jardin diabolique en disant que oui, j'ai attrapé un nain de jardin diabolique, je vais lui faire payer son... Et donc ce nain de jardin est revenu, bon, avec du tape sur les yeux, donc du tape pour faire qu'il est ligoté, attaché à un tonneau de bière et un sac sur sa tête. Quoi, c'est ça de malade? C'est pas malade, c'est plutôt marrant. Le gars, il y va à fond. Moi, je croyais que t'allais me dire un truc vraiment dingue. Mais là, il est vraiment allé à fond dans le délire, quoi. Bon, on a gagné de la bière. Thank you. Thank you.